En 1099, la première croisade touche à sa fin. Après une bataille acharnée contre les musulmans, Godefroy de Bouillon se rend maître de la ville sainte. C'est le début du royaume de Jérusalem qui s'étendra de Beyrouth au golfe d'Aqaba. En 1174, le jeune Baudouin IV, 14 ans, est couronné roi de Jérusalem. Il doit composer avec toutes les intrigues de cour, en particulier la lutte acharnée entre sa mère naturelle, Agnès de Courtenay, et sa mère adoptive, Marie Comnène. Au-delà des dysfonctionnements de cette famille, la question de la paix dans le royaume entre chrétiens, juifs et musulmans est plus cruciale que jamais. Alors que dans l'ombre, templiers, hospitaliers et croisés conspirent pour partir en guerre contre l'ennemi sarrasin, un nouveau chef de guerre, Saladin, masse ses troupes aux frontières du pays. L'affrontement semble inévitable et le jeune roi n'a que peu d'alliés sur qui compter pour préserver l'équilibre entre les différentes factions et éviter les massacres. Avec cette fresque épique exceptionnelle, Sharon K. Penman, appuyée sur une documentation remarquable, dépeint avec virtuosité une des périodes les plus fascinantes de l'histoire. Terre Sainte de Sharon K. Penman est parue au Cherche Midi.